La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les glaces, inquiétant baromètre du climat. Dans un livre intitulé « La montagne », l'historien Jules Michelet écrit « Les glaciers constituent un redoutable thermomètre sur lequel le monde entier, le monde moral et politique, doit toujours avoir les yeux. Les changements d'atmosphère qu'ils indiquent, ces phénomènes d'influence immense et profonde, changent la pensée, changent l'humeur et la vie nerveuse. C'est sur le front du Mont Blanc, plus ou moins chargé de glace, que se lit le futur destin, la fortune de l'Europe, et les temps de la paix sereine, et les brusques cataclysmes qui renversent les empires et emportent les dynasties. » Fin de citation. L'historien indiquait ainsi que la vie des glaciers a une incidence directe sur les conditions d'existence des peuples, donc sur la vie politique, et que pour cette raison, il convient d'être très attentif à leur évolution. Mais ces lignes datent de 1868, c'est-à-dire d'une époque où l'on ne parlait pas encore du changement climatique d'origine anthropique. Que faudrait-il changer à ces lignes pour tenir compte de ce que nous savons désormais de la vie des glaces, de celle des pôles nord et sud, ou de celle des montagnes? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir à distance, ce qui est une sorte d'aberration topologique, Lydie Lescarmentier. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Étienne. Bonjour, vous êtes glaciologue. Vous nous écoutez et nous parlez depuis le Tarn, et vous êtes l'auteur d'un livre haletant qui s'intitule « La voix des pôles ». Ma première question concerne les premières pages de votre ouvrage dans lesquelles vous expliquez que vous n'aviez pas du tout la vocation de la glaciologie, vous ne vous intéressiez pas aux glaciers durant vos études, vous n'aviez pas de portrait de Paul-Émile Victor dans votre chambre, ni de Jean-Louis Étienne, et vous êtes quand même devenu glaciologue. Vous avez passé un doctorat et vous avez ensuite fait un post-doctorat dans cette discipline. Comment ça s'est passé ? Alors, ça a commencé en fait par cette envie de travailler sur le changement climatique, puisque c'était quand même un sujet qui devenait de plus en plus pressant au cours de mes études. Et donc, j'avais envie de travailler sur l'effet du changement climatique sur les régions extrêmes. Et ça aurait pu être aussi un désert chaud, mais finalement j'ai choisi les déserts froids. Et ça s'est fait grâce à un ami qui a découvert un stage sur le site du CNES, qui m'en a parlé. Et j'étais assez tard en fait dans les candidatures. J'étais déjà partie pour faire autre chose d'ailleurs. Et comme j'étais un petit peu en retard, je suis allée directement me rendre au laboratoire. Et donc là j'ai dit j'aimerais postuler pour ce stage, est-ce que vous avez déjà quelqu'un ? Et donc là, je suis tombée sur la directrice de l'équipe qui m'a dit « Le responsable du stage n'est pas là, il est en Antarctique, à Concordia, et je ne sais pas s'il a de candidat parce que, en fait, je n'ai pas trop de nouvelles. » Et au bout de quelques jours, elle revient vers moi en me disant « Finalement, cette personne, elle a reçu des mails, mais elle n'a jamais reçu de CV, de pièce jointe, puisqu'elle était en Antarctique. Et donc, comme vous êtes finalement la seule candidate qui s'est vraiment présentée, nous allons vous prendre. » Et l'aventure a commencé comme ça, avec un petit coup de chance, je pense. Donc, il faut aller dans les laboratoires plutôt que d'envoyer des mails, c'est la morale de cette histoire. Mais vous dites que vous n'aviez pas la vocation. En fait, moi, je me suis amusé comme ça, à titre de pure distraction, regardez les anagrammes de votre nom, pas de votre prénom, mais votre nom, Lescarmentier, il contient votre destin, puisque dans ce livre consacré à vos expéditions dans l'Antarctique, à la fin, vous dites merci à l'Antarctique, et puis vous racontez votre histoire. Or, Lescarmentier, ça donne merci, relatons. Et puis aujourd'hui, vous faites plutôt un travail d'alerte, vous enseignez le changement climatique un peu partout dans le monde. Or, votre nom a aussi pour anagramme merci, alertons. Et puis, vous aimez les glaciers, qui sont des énormes cristaux de glace. Or, l'escarmentier, ça fait énorme cristal. Et puis, vous parlez de tempête. L'escarmentier, ça fait aussi éclair monstre. Et puis, ça fait mistral coréen. Ça fait aussi rasoir clément, centrise morale. Enfin, j'ai jamais vu autant d'anagrammes dans un nom. Vous étiez au courant? Non, absolument pas. Bon, j'ai l'avantage d'avoir 13 lettres, donc c'est vrai que ça laisse un peu... Je vous enverrai la liste, il y en a une bonne cinquantaine. Bon, et j'imagine que vous avez lu « Triste Tropique », ce livre de Claude Lévi-Strauss, qui commence par une phrase célèbre, un incipit fameux. Je hais les voyages et les explorateurs. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous aimez les voyages? Et est-ce que la dimension aventureuse de la glaciologie que vous avez pratiquée, c'est quelque chose qui vous a plu ou est-ce que ça a été une contrainte difficile à vivre? C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais pour lequel j'étais pas du tout préparée. C'est vrai que je raconte dans le livre que moi je suis née dans le Berry. Mes parents détestent la montagne, le ski encore plus. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille qui était pas forcément moi qui aimait pas forcément cette aventure. Mais finalement, ils m'ont quand même appris la curiosité de regarder ce qui est en dehors de chez soi. Et c'est un petit peu ça qui m'a emmenée vers les pôles finalement. Mais oui, cette exploration, je l'aime énormément aujourd'hui parce que en m'éloignant, en me retrouvant dans des endroits comme l'Antarctique, qui sont à peine foulés par l'homme, j'ai découvert des animaux qui avaient peur, quasiment pas peur de nous, des liens très forts avec ces régions-là. Et je pense que voilà, cette idée de pouvoir découvrir des endroits où on n'est presque pas allé, c'est devenu quelque chose d'assez intense pour moi. Alors revenons un peu à l'histoire de ces expéditions. Ça commence par un stage, vous en avez parlé, vous avez été recruté après vous être présenté directement au laboratoire, mais c'était un stage de quelques mois, je crois, à Toulouse, qui n'incluait pas de voyage a priori. Non, pas du tout. Non, à la base, je devais analyser une petite carte compact flash, comme une carte un petit peu SD d'un appareil photo, sur lequel avaient été enregistrées les positions du glacier Mertz. Et cette carte avait été récupérée quelques jours plus tôt par mon directeur de thèse. Et je devais me contenter de tracer ces mouvements du glacier et puis d'analyser tout ce que je pouvais comprendre à partir de ça. Et puis de partir vers d'autres régions et d'autres sujets. Mais, Donc il s'agissait d'analyser des données finalement. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous aviez entendu parler de ce glacier Mertz avant de faire le stage? Non, pas du tout. Où est-ce qu'il se trouve? Donc ce glacier, il se trouve à 250 km à l'est de la station Dumont-d'Urville, qui est beaucoup plus connue, qui est la station française, qui est sur la côte de la Terre Adélie. Et en fait, il est à la limite entre la partie française et australienne des territoires antarctiques. Et non, ce glacier, j'en avais absolument pas entendu parler. J'avais à peine entendu parler de Dumont-d'Urville, de la Terre Adélie, mais voilà, pas plus. Vous saviez que la femme de Dumont-d'Urville s'appelait Adélie. Oui, ça par contre. Ce qui sans doute explique l'appellation qui a été retenue. Oui. Non, et pourquoi est-ce que ce glacier s'appelle Mertz? Qui était cette Alexis Mertz ou plutôt Xavier Mertz, qui est le nom du Suisse qui avait fait une première exploration au début du XXe siècle, je crois. Oui, c'est ça, c'est Xavier Mertz. En fait, c'était un des compagnons d'exploration de Douglas Mawson, qui était un célèbre explorateur australien. C'est le plus célèbre, c'est l'équivalent de notre Jules Dumont-d'Urville à nous. Et donc, ils étaient partis à Troyes depuis Commonwealth Bay, qui est situé à quelques kilomètres du glacier Mertz, en traîneau. Et donc l'idée pour eux était de cartographier ce nouveau territoire finalement. Et sur le chemin de l'aller, donc leur compagnon Ninis est tombé dans une crevasse, sauf que Ninis avait sur son traîneau l'essentiel du ravitaillement pour leur voyage. Et donc, Mawson et Mertz ont compris qu'ils n'arriveraient pas à aller beaucoup plus loin. Donc, ils ont décidé de faire demi-tour. Et sur le retour, il manquait cruellement de nourriture. Ils ont commencé à manger leur chien. Et il semble que Mertz soit tombé malade en mangeant trop de vitamine A qui est contenue dans le foie des chiens. C'est une maladie qui est assez répandue chez les explorateurs polaires. L'hypervitaminose. C'est ça? C'est ça, exactement. L'excès de vitamine A, en l'occurrence. Voilà. Et en revenant, il est mort dans son sommeil. Et donc, Mawson a jeté son corps dans une crevasse du glacier Mertz et est revenu seul, in extremis, jusqu'à sa cabane d'hivernage. Et on n'a jamais retrouvé son corps. On n'a jamais retrouvé son corps. Et au cours de mon travail de thèse, en fait, il y a une fondation qui s'appelle Mawson Hut, qui s'occupe de toute l'histoire en fait, autour de Mawson, qui nous a demandé d'essayer de retrouver ce corps qui avait été jeté dans le glacier Mertz, puisqu'ils avaient calculé que par rapport aux dates de l'événement, on avait un GPS qui était censé ne pas être très loin en fait de la fameuse crevasse et du corps. Mais bon, bien sûr, on l'a jamais retrouvé. Donc les GPS, grâce à des mesures satellites, permettent de mesurer les déplacements du glacier. Oui, exactement. Et en l'occurrence, c'est un glacier monstrueux puisque il fait 150 km de long, 35 de large, et il a la réputation de veler tous les 70 ans. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. En fait, alors, vous racontez d'ailleurs dans le livre comment vous avez compris le sens du mot vélé s'agissant des glaciers. Ça vous a surpris, je crois. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne s'attend pas trop à ce mot-là. Mais finalement, cette image est tout à fait adaptée puisqu'on imagine bien ce glacier qui, pendant 70 ans, finalement, va être en gestation. Il va développer cet iceberg au cours du temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se sépare de son corps, que la fracture s'ouvre, comme le cordon qu'on coupe, et puis qu'ensuite, cet iceberg naisse. Le glacier accouche de son petit. Mais alors, l'iceberg, il est lui aussi monstrueux. Il fait 80 km de long et 35 de large. C'est à peu près la taille du Luxembourg. Oui, c'est ça. Et ça s'appelle un iceberg. Oui, ça s'appelle toujours un iceberg. Oui. Un morceau de glacier qui flotte sur l'eau. Et est-ce qu'on est capable, quand on connaît la forme précise et la masse d'un iceberg, de dire comment il va se positionner dans l'eau? Où sera la ligne de flottaison et quelle posture aura l'iceberg dans l'eau? Oui, oui, oui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce matin, il y a un glaciologue qui a sorti un petit lien sur Internet que j'ai découvert sur Twitter où on peut nous-mêmes dessiner notre iceberg et voir comment il flotte dans l'eau. Donc, on peut même faire ça maintenant sur des petites applications. Mais donc, si on dessine, il est à deux dimensions. Alors, la troisième dimension doit jouer un rôle, non? Oui, tout à fait, puisqu'on parle de volume. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose de moyen avec ce petit dessin. Bon, en tout cas, votre stage, il a il s'est terminé par une proposition de thèse qui vous a amené à faire des expéditions plus ou moins réussies en Antarctique. Et vous racontez combien vous avez dû vous accrocher. Et vous expliquez qu'il y a deux Antarctiques, en fait. Il y en a un à l'est et un à l'ouest. Et ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés, ni la même taille, ni la même réaction vis-à-vis du changement climatique. C'est ça. En fait, il y a l'Antarctique de l'ouest, donc avec la péninsule, cette grande virgule qui remonte vers le sud de l'Amérique latine. Et donc toutes les grandes plateformes, comme la plateforme de Ross notamment. Et ensuite, on a l'Antarctique de l'Est, qui est la partie la moins explorée, la moins connue, mais qui contient le plus de glace. Donc c'est toute cette partie qui est entre l'Afrique du Sud et l'Australie, finalement, le sud de l'Australie. Et en fait, on observe que c'est vraiment, oui, deux fonctionnements différents. Puisque la partie antarctique de l'ouest est un tout petit peu plus au nord, elle voit aussi beaucoup plus d'intrusions d'eau chaude qui viennent lécher en fait les plateformes de glace qui flottent sur l'eau et entraînent un petit peu leur fonte. Alors qu'en Antarctique de l'est, on a plutôt une grosse épaisseur de glace qui se maintient assez bien. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait énormément de recherches qui étaient faites sur l'Antarctique de l'Ouest, puisque c'était déjà une zone un peu sensible où on voyait qu'il y avait de la fonte, alors qu'en Antarctique de l'Est, assez peu. Et c'était ça qui nous intéressait aussi, c'est d'aller voir un petit peu le fonctionnement d'un glacier dans cette partie de l'Antarctique. Donc en inversion d'un titre célèbre, on avait tendance à dire à l'époque, à l'Est, rien de nouveau, il ne se passe rien. Oui, On pouvait dire ça, oui. Et ce que j'ai aussi compris en vous lisant, Lydie Lescarmentier, c'est que les informations qu'on a vis-à-vis du climat du passé ne sont pas tout à fait de même nature selon qu'on fait du carottage de glace en Antarctique ou selon qu'on le fait en Arctique. En Arctique, on a des détails, une précision plus grande des mesures de ce qui s'est passé dans le passé, alors que dans l'Antarctique, on remonte plus loin dans le passé. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a plus d'épaisseur de glace en Antarctique qu'en Arctique? C'était une glace plus ancienne? C'est bien ça, puisque en fait, il y a 10 fois plus de précipitations au Groenland qu'en Antarctique. Donc, sur une même année, on va avoir une plus grande épaisseur de glace, finalement, et donc plus de détails dans cette épaisseur de glace. Alors qu'en Antarctique, on va avoir de la glace plus sur la même épaisseur, on va avoir de la glace plus ancienne. Donc, l'analyse des deux est très intéressante, puisque une nous permet d'aller très loin dans le passé et une autre nous permet de voir plus en détail pour chaque période qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a plusieurs façons de dater l'histoire du passé. Il y a l'analyse isotopique, on compare les proportions d'isotope 16 de l'oxygène à l'isotope plus lourd, le 18. Alors comment se fait-il que dans ces bulles qui sont emprisonnées dans la glace, cette proportion entre les différents isotopes de l'oxygène soit différente là-bas de ce qu'elle est à des latitudes plus proches de nous? Il faut imaginer en fait que cette eau qui contient ces différents isotopes, en fait, quand elle va partir dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau et qu'elle va circuler, par exemple depuis l'équateur vers les pôles, elle va perdre au cours du temps une partie de ces isotopes. Et ceux qu'elle va perdre en premier, c'est les plus lourds. Donc, c'est l'isotope 18. Qui a deux neutrons de plus que le 16. C'est ça, exactement. Et donc, grâce à cette proportion, finalement, d'isotope dans la petite bulle d'air qui va être emprisonnée dans notre carotte, on arrive à savoir si la température était plus ou moins chaude, parce qu'on aura ce ratio, en fait, entre les deux. Alors venons-en à votre thèse proprement dite, vous terminez votre stage, on vous propose de faire une thèse et vous ne tardez pas à embarquer sur l'Astrolabe, ce fameux navire polaire que certains appellent le Gastrolabe pour des raisons que vous expliquez fort bien dans l'ouvrage. Il tient pas très bien la mer ce bateau et vous racontez que vous êtes sorti un matin de votre douche avec le même sentiment de fierté qu'un général venant de remporter une bataille. Ça veut dire que c'est pas simple de prendre la douche sur ce bateau. En fait, absolument rien n'est simple sur ce bateau quand on est en mer. S'habiller, mettre un pantalon n'est pas simple. Manger, encore moins, vu qu'on est relativement malade. La douche, oui, c'était aussi quelque chose. Je me rappelle regarder cette salle de bain avec des gros yeux et de voir qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où on pouvait accrocher le linge, donc on le posait là où on pouvait. Mais bon, ouais, c'est une aventure et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on développe dans le livre, c'est que chaque petit geste du quotidien devient une réelle victoire finalement. Mais c'est une mer très agitée ou c'est simplement que le bateau a un fond plat et ne tient pas très bien la houle? C'est un petit peu des deux. Dans tous les cas, je connais pas de bateau qui ne bouge pas énormément dans les 40e rugissant et 50e hurlant. Il faut imaginer en fait que quand on part en Antarctique, donc on part d'Hobart, et donc notre cap est plein sud, et donc il faut qu'on aille en travers de cette grande circulation qui fait le tour de l'Antarctique, qui est le courant circumpolaire. Et donc lui, il a la direction d'est en ouest, donc il est complètement perpendiculaire à notre direction. Donc forcément, on a des vagues de travers en permanence et on est extrêmement malade. Mais en plus, l'Astrolabe a un fond relativement plat, ce qui est un avantage dans la banquise, puisqu'il va pouvoir s'élancer finalement sur la glace et glisser dessus, un peu comme une luge. Mais par contre, en mer, c'est difficile parce qu'il n'a pas trop de tenue. Et moi, je me rappelle mon tout premier embarquement sur l'Astrolabe. Donc, on était sur des bannettes, donc nos lits. Et moi, j'étais à l'étage. Et en pleine nuit, je me suis réveillée en l'air, en train de voler, parce que ça bougeait tellement que j'avais été éjectée de mon matelas. Il y avait certains marins qui dormaient avec une ceinture accrochée autour du genou pour être sûr de pas voilà, tomber par-dessus leur bannette. Donc oui, ça bouge énormément. Il dure combien de temps ce voyage éprouvant ? Alors, s'il n'y a pas de banquise, donc si par exemple on est en plein milieu de l'été, par exemple au mois de janvier, c'est 5 jours. Donc on a 2700 km à parcourir. Par contre, s'il y a de la banquise, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long, puisque au bout d'un moment, le bateau va devoir avancer dans la banquise. Et donc, si elle est peu épaisse, ça passe relativement bien, mais si elle est épaisse, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle une plateforme dans le langage des glaciologues ? Alors, vous avez employé ce mot tout à l'heure. Oui, une plateforme de glace, en fait, il faut imaginer ça comme une immense épaisseur de glace qui va flotter sur l'eau et qui est alimentée en général par un ou plusieurs glaciers. Donc ces glaciers, ils vont descendre des côtes de la calotte, ils vont passer le trait de côte. Et ensuite, ils vont se rejoindre et avancer ensemble sur la mer et former cette grande épaisseur de mer, de glace. Et c'est à partir en fait de ces plateformes de glace que se forment les grands icebergs tabulaires qui sont plats, rectangulaires, quasiment parfaits. Il y a de très belles pages dans votre livre Lydie Lescarmentier quand vous racontez par exemple votre découverte de l'île Macquarie, dont vous dites qu'elle est l'Ibiza des animaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? il faut comprendre surtout que c'est un petit peu un point d'escale pour ces animaux au milieu de l'océan. C'est que c'est un endroit où ils vont pouvoir venir se reproduire. C'est un petit pied à terre au milieu de leur environnement finalement. Et c'est vrai que c'est très très particulier quand on avance pendant plusieurs jours en voyant de la mer à perte de vue et d'arriver en fait face à cette terre qui est un petit peu inattendue, qui est une petite île en plus et qui contient qu'une station scientifique. C'est vraiment des sentiments que je pense ont pu partager certains explorateurs quand ils partaient vers l'inconnu et qu'ils avaient voilà, un bout de côte dans les jumelles. Et c'est un peu ce sentiment. Mais ça a été dans le passé, j'ai cru comprendre, un territoire de chasse. On y a chassé le phoque et d'autres espèces animales. Aujourd'hui, au contraire, je crois que ce sont des espèces protégées. Et vous évoquez le traité de l'Antarctique qui a été signé en pleine guerre froide entre différentes puissances qui n'étaient pas forcément amies, mais qui ont fait de ce territoire très vaste un espace protégé. Oui, tout à fait. En fait, on considère que l'Antarctique et que toutes ces îles comme la Géorgie du Sud, comme Macquarie, sont des îles qui ont été découvertes d'abord par les baleiniers. Et on pense qu'ils n'ont pas forcément partagé les informations pour garder ces territoires de chasse. Et qu'ils étaient connus bien avant que les explorateurs y parviennent. Et depuis le traité de l'Antarctique, tous ces territoires-là sont protégés et c'est des endroits qui sont totalement dédiés à la paix et à la science aujourd'hui. Donc plus de chasse. Et vous l'avez observé, c'est un traité qui a été par la suite signé par d'autres nations qui l'ont ratifié. Est-ce qu'il vous semble vivace ou est-ce qu'on pressent que dans le futur, de nouvelles compétitions vont se greffer sur ce territoire à mesure que la glace disparaîtra peu à peu ? Oui, on sent qu'il y a une pression qui augmente de plus en plus sur ce traité. Je sais qu'il y a eu notamment des possibilités de créer davantage d'aires naturelles protégées, qu'il y a certains pays comme la Russie qui s'y sont opposés. Donc voilà, on sent que c'était le bon moment finalement pour signer ce traité et que ça serait fait dans quelques années. C'est pas sûr que ça aurait été ratifié de la même manière, mais j'espère en tout cas que voilà, qu'il restera en vigueur. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Vous racontez dans votre livre la transition que vous avez donc vécue en étant dans l'astrolabe, entre les eaux subantarctiques et les eaux polaires. Et vous racontez que sur quelques kilomètres, la température de l'eau s'abaisse de 2 degrés. Et puis la faune change complètement. Et est-ce que cette frontière entre ces deux zones évolue au cours du temps ou est-ce qu'elle a une certaine stabilité? Alors cette frontière, en fait, on l'appelle la convergence. Et la température de l'eau, donc, comme vous le disiez, en quelques kilomètres, va diminuer d'au moins 2 degrés. Et elle évolue, oui, elle évolue tout le temps, notamment en fonction des tempêtes. C'est assez intéressant de voir l'influence des tempêtes sur cette frontière qui va monter un petit peu plus au nord, au contraire, descendre plus au sud. Donc elle est en mouvance permanente. Et quand vous êtes sur le bateau, est-ce que vous savez à l'avance quand vous rencontrerez la fameuse plateforme, c'est-à-dire de la glace, de l'eau solide qui vous empêchera de progresser? Est-ce que vous avez des informations par les satellites, par exemple, qui vous indiquent comment ça va se passer pour vous? Oui et non, finalement. C'est vrai que les tout premiers embarquements que j'ai fait sur l'Astrolabe, on n'avait pas encore d'outils qui nous permettaient d'obtenir des cartes de glace. Alors, c'est jamais en temps réel, hein, on les a au moins avec 24 heures de latence, mais qui nous auraient donné, indiqué en tout cas, un trajet à suivre pour pouvoir avancer dans cette banquise. Et ça, c'est, voilà, ça a changé au cours des embarquements que j'ai pu faire. Mais ça reste très compliqué puisque ces cartes sont préparées, sont traitées par un laboratoire norvégien qui travaille pas le week-end. Donc c'est vrai que souvent quand on arrivait en fin de semaine, on se disait bon ben on croise un petit peu les doigts pour l'avancée du week-end parce que là on n'aura pas d'informations avant au moins lundi. Et donc c'est un petit peu comme à l'ancienne, c'est vraiment avancer à tâtons. Donc il y avait souvent le second du bateau qui montait dans le Nidpi, c'est la partie la plus haute de l'Astrolabe, pour lui permettre en fait de prendre de la hauteur et de voir ce qui était devant nous, et notamment de rechercher ces fameuses rivières. Donc c'est des endroits d'eau libre au milieu de la banquise qu'on emprunte avec le bateau de manière à avancer un petit peu plus facilement. Ce qui arrivait aussi, c'est que quand on était un petit peu coincé et qu'on avait vraiment besoin d'informations rapidement, on sortait parfois les hélicoptères et on prenait des photos depuis les airs des possibilités de chemin que l'on pouvait suivre. Mais encore, parfois, ces images, ces ouvertures dans la banquise, elles pouvaient changer. En moins de 2 heures, il suffisait qu'il y ait un coup de vent et la banquise, qui est extrêmement rugueuse, se faisait embarquer et changer complètement de position. Et là, ça devenait le labyrinthe changer sous nos yeux. Mais vous racontez notamment une scène magnifique, c'est quand l'eau de mer se commence à geler et la surface de l'eau prend une apparence, dites-vous, qui est huileuse. Et c'est dû à l'arrivée, à la formation de ce qu'on appelle le frasil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe de l'eau de mer qui gèle, qui commence à geler plutôt? C'est tout à fait ça. Donc cette eau de mer, elle va commencer à geler à une température de moins 1,7, moins 1,8 degrés environ, puisque c'est de l'eau de l'eau douce est à 0 degré, comme elle est salée, il faut que cette température soit en dessous. Et en fait, on va apercevoir des premiers petits cristaux qui vont donner un aspect laiteux. Et rapidement, cet aspect-là va changer. Et on a l'impression finalement que c'est un filet d'huile qui a été répandu à la surface de l'eau. Et en fait, c'est de la banquise qui est en formation. L'étape d'après, c'est la formation du Nila. Donc là, quand on arrive à quelques centimètres d'épaisseur et on commence à vraiment avoir cette allure de miroir, de glace à la surface de l'eau, mais qui arrive encore à suivre les mouvements de la houle, par exemple, ce qui est assez extraordinaire, puisque voilà, on a un milieu qui n'est pas tout à fait figé. Et cette banquise va continuer à s'épaissir par en dessous avec ces cristaux de phrasile qui vont l'épaissir de plus en plus jusqu'à arriver à des épaisseurs maximales de 3 mètres. À partir de ces 3 mètres, on a isolé l'eau de l'atmosphère qui refroidit l'eau. C'est un isolement par la glace, en fait. Oui, exactement, un isolement par la glace. Et à partir de ces 3 mètres, ce processus de formation de cristaux s'arrête. Mais les cristaux de glace, ils ne contiennent pas de sel. Donc, où est passé le sel de l'eau qui les a formés? Ça, c'est un processus qui est très intéressant parce qu'il est à la base de plein de choses, notamment liées au climat. Mais le sel, il reste dans l'eau qui est liquide, donc qui est tout autour de cette banquise. Il y en a une petite partie qui est emprisonnée dans la banquise, mais en fait, qui est vraiment piégée lorsque les cristaux s'imbriquent les uns dans les autres. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez intéressante, qui vient des explorateurs anglais qui disaient que la banquise était bonne pour le thé si elle avait plus de 4 ans. Si elle avait moins de 4 ans... Elle reste salée. Elle reste salée, voilà. À cause du sel qui reste dans l'interface un peu. C'est ça, exactement. Ce sel, en fait, allait migrer au cours du temps, rejoindre l'eau liquide qui était sous la banquise. Et donc, au bout de 4 ans, cette banquise ne contenait plus que des cristaux. L'idée de l'escarmentier, vous savez, dans cette émission, on passe un morceau de musique qui est choisi par l'invité. Et vous avez choisi Conto da Palabra de Lassa, chanson que nous allons écouter et nous revenons vers vous. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo es juego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es juego el querer. Es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Lydie Lescarmontier, vous avez choisi Conto da Palabra de Lassa. Vous êtes dans le Tarn, j'espère que la liaison est toujours très bonne. Pourquoi avez-vous choisi cette chanson emballante? Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson? Je pense que c'est bon déjà j'adore cette chanteuse Lassa. Je trouve qu'elle a une voix magnifique et je trouve que c'est l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai pu entendre aussi, et je trouvais que c'était un beau lien, un clin d'œil à la glace dont on parle aujourd'hui. Alors revenons en effet à la glace, à ces fameuses plateformes, à la banquise. Et vous expliquez très bien que dans la banquise, il y a parfois des zones qui ne sont pas recouvertes de glace, ce qu'on appelle des polynies. Et vous dites des polynies qu'elles sont au phoque et au manchot, ce qu'est à un touriste le buffet du Club Med. Ça demande quelques précisions. Ouais, je comprends. Même si tous ces animaux sont totalement dépendants de la banquise pour vivre, c'est leur environnement, c'est là que démarre en fait toute la chaîne alimentaire. Les polynies sont les seuls endroits où tous ces mammifères marins vont pouvoir remonter à la surface et finalement respirer. Et c'est vrai que pour une anecdote, j'étais en embarquant sur l'Aurora Australis. Donc, il me semble que c'était en 2014. Je suis restée bloquée dans les glaces pendant une petite semaine. Et c'était une région où, en fait, la banquise était extrêmement compressée. Il n'y avait absolument pas de polynie, de rivière. On était vraiment bloqués. Et je me rappelle avoir été frappée par le fait que pendant toute cette semaine, on n'a pas vu un seul animal. Et du moment, en fait, on est sorti de cette banquise, on a retrouvé une banquise un petit peu moins épaisse, plus distendue. Là, tout de suite, les animaux sont revenus. Et c'est là qu'on a vu vraiment l'importance de ces polynies pour permettre à ces animaux l'interface entre l'atmosphère et l'eau dans laquelle ils se nourrissent. Là, vous parlez comme une scientifique, mais en fait, votre histoire est une véritable aventure. La première fois que vous êtes allé en Antarctique, ça s'est plutôt mal passé, puisque un gros glaçon s'est coincé dans l'hélice et vous avez été obligé de rentrer, si j'ai bien compris. Tout à fait, ouais. C'était une très très grande frustration. C'est vrai que même si voilà, j'avais pas forcément eu cette vocation à partir en Antarctique comme certains de mes collègues, j'attendais comme une jeune de 23 ans le devoir, c'est les premiers manchots, de voir l'Antarctique, de découvrir enfin ce glacier Mertz dont j'avais analysé les données pendant plusieurs mois. Et finalement, au bout de 2 jours dans la banquise, une nouvelle tombe, une des hélices du bateau était endommagée. L'autre était en assez mauvais point. Et donc, il nous fallait faire demi-tour vers l'Australie. Donc, tous les hivernants, les campagnards d'été, en fait, toutes les personnes qui devaient travailler sur la station partaient en hélicoptère. Et nous, scientifiques et marins, on rentrait vers la Tasmanie, et en plus on rentrait qu'avec un seul moteur, puisque une des hélices avait été trop abîmée, était trop endommagée, et donc on a mis 12 jours pour rentrer, 12 jours de mer. Ça a été un voyage éprouvant, puisque vous n'en parlez pas dans le livre. Oui, un petit peu. Vous dites, voilà, on a fait demi-tour. Ça a dû vous rappeler aussi cette fameuse réplique de la grande vadrouille. Il n'y a plus d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. Oui, alors, l'année suivante, vous repartez. Et là, ça se passe bien. Vous pouvez débarquer et vous découvrez ce fameux glacier Mertz qui était l'objet de votre étude. Et vous racontez que la différence qu'il y a entre une étudiante comme vous qui fait une thèse de glaciologie et un étudiant ou une étudiante qui fait une thèse d'histoire ou bien de lettres ou bien de philosophie, c'est qu'eux sont écrasés par la surabondance de données, de livres à lire, alors que vous, vous manquez cruellement de données. Qu'est-ce qu'on savait sur ce glacier avant que vous y mettiez les pieds? On savait 2-3 choses finalement à l'issue du stage, puisque finalement, quasiment toutes les données que j'ai analysées pendant ma thèse, c'est ce petit jeu de données qu'on m'a donné en stage. J'ai récupéré que quelques mois supplémentaires sur un GPS, mais c'est pas vraiment ça qui nous a apporté le plus d'informations. Et grâce à ces données, on savait que le glacier avait des mouvements qui suivaient les phases de marée, puisque la langue de glace flottait sur l'eau. On connaissait sa vitesse d'écoulement. On savait aussi qu'elle changeait au cours du temps, et notamment en fonction des amplitudes de marée. Donc dès que on avait des amplitudes assez fortes, de l'eau s'infiltrait depuis l'océan sous cette plateforme de glace et lubrifiait son écoulement. Donc à ce moment-là, elle accélérait. On savait également que certains courants côtiers, donc d'est en ouest, venaient ouvrir la fracture qui se développait à la surface du glacier. Et ça, on l'a pas su tout de suite, mais on l'a su plus tard pendant ma thèse, grâce à des traitements assez précis de données GPS. Des simulations aussi, non ? Oui, quelques simulations qui nous ont permis en fait de confirmer cette hypothèse, mais on s'est aperçu que le glacier vibrait avec des mouvements qui avaient des périodes de 5 à 20 minutes et qui correspondaient à des forçages qui venaient de l'océan et qui étaient liés notamment à des tempêtes qui se formaient au large, qui créaient des vagues qui venaient frapper la langue de glace comme un diapason finalement. Et ces vibrations, elles avaient tendance aussi à fracturer la glace. Donc il y a une vibration, y compris la partie du glacier qui est sur le sol ferme, il y a une vibration qui est induite par la violence des tempêtes qui se produisent dans l'océan. Exactement. Après, on ne sait pas vraiment si ces vibrations remontaient aussi loin sur le glacier, parce qu'on n'avait pas de données GPS à cet endroit-là. Nos données étaient sur la langue de glace, mais en tout cas sur toute la partie flottante, c'était très net. Il y a eu aussi une aventure qui a fait que vous avez été prisonnière des glaces avec d'autres pendant plus qu'une semaine, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'on vit un tel confinement ? Le confinement qu'on a vécu en France à l'occasion de la pandémie a dû être pour vous une bluette. Oui, c'était pas tout à fait les mêmes confinements, puisque quand je suis restée sur l'Astrolabe, donc c'était pendant 56 jours. Mais c'est un peu comme Shackleton, et vous avez presque eu faim. Oui, on a presque eu faim. Oui, c'était une... Quand tout ça a commencé, on s'est dit c'est une petite aventure, ça sera sympa de raconter ça à nos familles quand on rentrera. C'est vrai qu'à la fin, on s'est dit bon, c'est quand même bien qu'on soit sorti, parce que ça commençait à être un petit peu inquiétant. Mais on est resté complètement emprisonné dans la banquise qui était beaucoup plus épaisse qu'attendue et qui était surtout très comprimé autour du bateau et qui nous empêchait totalement d'avancer. Donc on a décidé d'attendre en fait que cette banquise se distende grâce aux tempêtes qui permettaient de bouger un peu toutes ces plaques de banquise à la surface de l'eau. Mais c'était long. Notre routine, c'était de regarder les bulletins météo. C'était souvent les mercredis. Alors mercredi, on regardait quand est-ce qu'est la prochaine tempête. C'est dans 4 jours. On va voir si dans 4 jours on sera sorti de là ou pas. Mais contrairement au confinement qu'on a connu et qu'on continue un petit peu à connaître quand même aujourd'hui, là on était très nombreux sur le même bateau. Et donc, pour la distanciation sociale, on n'était pas très bon. Mais est-ce que ça provoque de la solidarité, ou est-ce que des tensions apparaissent par l'angoisse, par le fait qu'on ne sait pas quand ça va se terminer ? Vous racontez l'histoire d'un chercheur qui est avec vous, dont la femme a accouché, il aimerait bien avoir son bébé, il ne peut pas, il ne sait pas quand il pourra. Ça doit créer des formes d'angoisse, non ? Oui, c'est dur pour la majorité d'entre nous, surtout ceux qui ont une attente à la maison. Mais après, c'est vrai que ça nous a vraiment liés pour le coup. Mais oui, finalement 56 jours, c'est pas si long. C'est juste de pas avoir cette projection sur quand est-ce que ce sera fini. Si on nous avait dit à la base, ok, ça va être long, c'est 56 jours, préparez-vous, je pense que ça se fait très bien. Mais quand on sait pas, quand on voit les aliments qui disparaissent au fur et à mesure et la dernière bouteille de vin. Voilà, la dernière bouteille de vin, des pâtes à répétition à tous les repas, des petites choses en fait qui permettent de changer un petit peu le quotidien. qui disparaissent, là, ça commence à peser un petit peu. Mais ce que vous retenez surtout de votre découverte des pôles, c'est l'espèce de choc que ça a provoqué en vous, alors même que vous avez vu des photos, vous avez sans doute lu des livres, mais aller au pôle, en Antarctique en l'occurrence, ça produit un choc incroyable. Vous dites, rien ne vous prépare jamais à la première rencontre avec les pôles, à cette immense gifle d'absolu. L'air lui-même que j'aspirais à plein poumon avait une saveur inconnue. Fermant les yeux, j'essayais de la définir comme le nez d'un parfumeur se concentre sur une fragrance, en vain, hormis peut-être un soupçon d'iode. C'était une odeur, juste une odeur, une quintessence de fraîcheur. Ça ressemble aux lignes qu'a écrit un philosophe que vous connaissez sûrement, Henri Maldinet, lorsqu'il a vu pour la première fois le Cervin, cette montagne majestueuse en Suisse. Il dit, voilà, c'est un phénomène pur, il n'y a pas de différence entre sa présence et son apparition. C'est le fait de le voir qui le rend présent, alors que toutes les images qu'on avait pu voir auparavant en donnaient finalement une image qui n'était pas à sa hauteur. C'est ça, c'est ce qu'on disait pour l'iceberg tout à l'heure, c'est qu'il nous manquait des dimensions pour donner cette complexité en fait à cette rencontre avec les pôles. On a ces images qui, voilà, la banquise, rien ne ressemble plus à la banquise que de la banquise, et d'un coup on se retrouve avec cette odeur. C'est vraiment le sens qui m'a le plus marqué, puisque encore aujourd'hui, quand je me retrouve dans la banquise, quand je me retrouve proche d'un glacier qui flotte sur l'eau, j'ai tout de suite cette odeur et tous ces souvenirs qui remontent. C'est aussi rajouter le son de la glace, la coque du bateau qui racle contre la glace, c'est les vibrations aussi quand on avance. C'est le cri des animaux, tout ça qui fait que d'un coup, l'émotion est là et on a vraiment ce sentiment d'être dans un autre monde. On l'entend presque à l'oreille alors que vous êtes dans le Tarn. Mais alors ce fameux glacier Mertz, il a fini par véler. Oui, c'était une bonne nouvelle d'ailleurs. Mais alors, est-ce que ça coïncidait avec vos prévisions, ou est-ce qu'il l'a fait plus tôt que prévu, plus tard que prévu ? Il l'a fait plus tôt que prévu. On était très contente. Moi, j'avais qu'une hantise, c'est de me dire, je vais finir ma thèse et un mois plus tard, il va véler et j'aurai jamais l'occasion d'analyser en fait cet événement. Et j'étais assez heureuse que ça ait lieu en fait un an et demi avant. Avant ma soutenance. Vous l'avez appris alors que vous étiez dans un hall d'aéroport vous apprêtant à retourner en France. Exactement. Mais après, même si on était content que l'événement ait lieu, tout ce qui a suivi a été très frustrant, puisque voilà, déjà la mission a été annulée. Voilà, enfin, pas prolongée en tout cas. On n'a pas pu récupérer nos données. On avait travaillé pendant des années pour cet événement-là, et au moment où il a lieu, c'est en plein milieu de la campagne d'été, donc c'est le moment où l'Astrolabe était énormément utilisé, il y avait énormément de missions scientifiques qui avaient lieu, et là on nous apprend qu'on n'ira pas récupérer ces données-là. Donc c'était une frustration extrême, et on savait aussi que si on les récupérait pas très très rapidement, elles seraient totalement perdues. Mais vous avez quand même pu soutenir votre thèse brillamment avec les félicitations du jury à l'unanimité en mars 2012. Alors c'est un peu difficile de le faire comme ça à distance et en peu de temps, mais quels sont les résultats que vous avez mis en avant dans ce travail ? Alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est tout d'abord les... En fait, ce que vous appelez les petits secrets coquins du Mertz, c'est-à-dire lubrification et vibration. Oui, exactement. C'est tous ces aspects assez intéressants. La lubrification, on la connaissait déjà sur d'autres glaciers. C'était pas quelque chose de nouveau, mais c'était intéressant de le voir apparaître sur le glacier Mertz. Après, les vibrations, elles n'avaient jamais encore été enregistrées par GPS et elles avaient été visibles que sur quelques glaciers. Donc là, c'était aussi une assez grande avancée pour nous. Après, la grande question de l'étude du glacier Mertz, c'était de savoir si, après le velage de cet iceberg, le glacier allait accélérer et donc drainer plus de glace de la calotte. Et c'est une question qui intéresse encore aujourd'hui les glaciologues, puisque c'est à prendre en compte dans tous ces grands modèles climatiques pour savoir si ces grandes plateformes de glace vèlent de plus en plus. Est-ce qu'on va avoir une disparition en fait d'une partie de la glace qui est sur les calottes? Alors vous racontez ensuite dans le livre, on n'a pas le temps d'y consacrer beaucoup de minutes, mais vous avez fait un post-doc après cette thèse et puis vous avez rendu compte que l'urgence climatique est telle que la lenteur de la recherche, la recherche prend du temps, vous avez un peu changé de voie et vous êtes passé à cet anagramme de votre nom que j'évoquais tout à l'heure, à savoir merci, alertons. Et aujourd'hui, vous alertez. Et vous travaillez pour l'UNESCO. Alors, dans quel cadre est-ce que vous effectuez votre mission? Alors, je travaille pas tout à fait pour l'UNESCO, parce que si je dis ça, ils seront pas contents. Mais je travaille pour une fondation qui s'appelle l'Office for Climate Education, qui est sous l'égide de l'UNESCO, qui est un centre de catégorie 2. J'ai fait un raccourci. Oui, je comprends très bien. Mais en fait, nos missions, en gros, on en a trois. La première, c'est de créer des ressources pédagogiques sur le climat pour les enseignants qui travaillent avec des jeunes enfants, des enfants de 9 à 15 ans, afin de leur permettre de pouvoir travailler sur cette question climatique facilement grâce à des manuels scolaires, de la documentation scientifique, des leçons, mais de manière très pluridisciplinaire. Ensuite, on fait des formations pour ces enseignants et notre cible privilégiée, c'est les pays en développement. Donc, on travaille un petit peu partout en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, enfin qui s'accaparent l'ensemble de ces ressources. Et puis, on met aussi en réseau soit des enseignants, soit des gouvernements qui veulent travailler sur le changement climatique, soit des instituts scientifiques, afin de partager finalement des bonnes pratiques sur le sujet, parce que c'est une question qui est très complexe, surtout quand on veut travailler avec des enfants du primaire par exemple. Mais vous disiez en début d'émission que lorsque vous étiez plus jeune, vous vouliez travailler dans l'environnement, disons de façon assez vague, et vous aviez conscience du changement climatique, de sa gravité. Est-ce que après ces années de recherche, votre conscience est encore plus aiguë? Vous êtes plus effrayé qu'avant sur ce que ce changement peut induire comme nouvelle menace? Oui, je suis d'autant plus effrayé que je sens qu'on a une trop grande inertie. En fait, il faudrait faire énormément de choses pour pouvoir répondre en fait à cette urgence. Moi, ça fait ce livre, c'est dix ans de recherche, et j'ai l'impression qu'en 10 ans, on a très très peu avancé. Et c'est là où c'est difficile, oui. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'on a une sorte de conscience malheureuse? On sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, mais on peut pas le faire parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas changeable si facilement. Est-ce que vous-même, vous observez ce que j'appellerais une géographie de la conscience du changement climatique selon les zones, les régions que vous fréquentez? Et je crois que avant la pandémie, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que selon les régions, la conscience que les gens, notamment les jeunes, ont de ce problème varie beaucoup? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye aussi de prendre en compte quand on fait des formations. La toute dernière que j'ai faite, c'était en Indonésie. Et en fait, leur parler d'atténuation de gaz à effet de serre quand leur quotidien, c'est aussi se nourrir, c'est essayer d'aller au travail, mais c'est extrêmement difficile pour eux. Nous, on se rend pas compte en fait de ces problèmes-là. C'est avoir accès à de l'eau potable. Le problème climatique, en fait, c'est trop loin pour eux. C'est assez difficile de parler de cette urgence quand eux ont d'autres priorités qui sont... Mais ça veut dire que vous adaptez votre façon d'en parler à la région où vous êtes? Ou c'est toujours le même exposé? Oui, non, on s'adapte totalement, et c'est pour ça en fait qu'on travaille énormément avec cet ensemble de partenaires, parce que de façon locale, nous quand on fait une formation là-bas, et ben on va devoir changer ce discours, et puis aussi le passer pour ne pas avoir à voyager systématiquement. Et donc, à chaque petit contexte, on rencontre les partenaires éducatifs locaux et eux adaptent nos propres ressources et ensuite les font leurs et les passent à leur propre enseignant. Lydie Lascarbonti, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce que va être, disons, au cours du siècle qui commence l'avenir de l'Antarctique en comparaison avec celui de l'Arctique, qui est très différent? Vous dites que l'Arctique et l'Antarctique sont des faux jumeaux. En quel sens est-ce vrai? Alors, les impacts du changement climatique entre les deux sont pas du tout les mêmes. Si on regarde par exemple la calotte du Groenland, on a beaucoup de fonte, notamment à la surface de ces glaciers, parce que les températures sont aussi plus élevées. Alors qu'en Antarctique, on va avoir une augmentation de la température, notamment de l'eau, qui va venir faire fondre de façon basale ces grandes plateformes de glace. Et donc, ce qui nous fait peur en Antarctique, et la grande question aujourd'hui, c'est des seuils qu'on risque de passer. Alors, on ne sait pas exactement à quelle température, ce sera sûrement proche de 1,5 degré ou 2 degrés. 2 degrés, c'est l'accord de Paris, qui font que si ces plateformes-là fondent, on risque d'avoir des sortes d'emballements avec beaucoup plus de drainage de glace et une fonte accélérée en fait de la calotte antarctique, qui aura aussi un impact notamment sur la hausse du niveau marin. Oui, parce que quand un iceberg fond, on est d'accord que ça ne change pas le niveau de la mer, sauf par un effet de dilatation qui, lui, vient de l'augmentation de la température. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Après, le velage d'iceberg est quand même pris en compte comme apport en fait de glace à l'océan. Mais par contre, si l'iceberg fond, comme la banquise en fait, souvent on pense que la fonte de la banquise entraîne une augmentation du niveau marin, ce qui n'est pas le cas. Et si toute la glace de l'Antarctique fondait, alors le niveau des mers augmenterait de plusieurs dizaines de mètres, je crois. C'est 60 mètres, oui. 60 mètres. Bon, ça, c'est complètement effrayant, non? Oui, tout à fait. Après, la calotte antarctique ne va pas totalement disparaître, mais c'est un réservoir de glace monumental. Et c'est vrai que forcément, elle est un petit peu sous le collimateur des scientifiques aujourd'hui à cause de ça. Est-ce que vous avez quand même espoir que l'humanité saura s'adapter et même peut-être régler ce problème? Ou est-ce que vous pensez que la tâche est tellement immense qu'on prendra forcément du retard? Je pense qu'on a du retard, on en a 30 ans de retard déjà. Mais après, je sais qu'on a des capacités d'adaptation qui sont énormes. On le voit aujourd'hui, hein, c'est difficile, mais on s'adapte. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir recours à cette adaptation en dernier lieu et avant ça de réduire le problème en fait. Et ce qui est très difficile, c'est que aujourd'hui on n'est pas les populations les plus vulnérables. Et donc dans cette idée de justice climatique, il faut faire les choses. Je vous remercie, Lydie Lascarbonti, d'avoir pris la parole à distance dans notre émission. Finalement, vous montrez que les glaciers peuvent veler de plusieurs façons, en produisant des icebergs, mais aussi en engendrant des vocations comme la vôtre. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « La voix des pôles » qui vient de paraître aux éditions Flammarion. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration bien sûr de Thierry Beauchamp, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.